sur les rails en sucre et chocolat. Il emmène les rêves des tout petits là-bas. Le petit train de Noël file sous le grand ciel. Il apporte dans son sillage de la lumière et du courage. Le petit train de Noël file sous le grand ciel. Il apporte dans son sillage de la lumière et du courage. Un peu de magie, un peu de douceur. Le petit train de Noël.